Coucou François et Mimi, je suppose que c'est François qui va faire le mixage. Je m'appelle Grushkov et je vais m'enregistrer pour Pokémon Noël. Vous êtes prêts? Bon, qu'est-ce qu'on est en train de regarder en fait? Je sais pas trop, je pencherais bien pour un épisode de Et la Terre éclata, non? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Oh oui. Je sais pas trop. Je pencherais bien pour un épisode de Et la Terre éclata, non? Je sais pas trop. Je pencherais bien pour un épisode de Et la Terre éclata, non? Qu'est-ce que c'est que toute cette réverbe dans cette pièce? Bouh. Bon, ça devrait le faire. Et péter le sapin. Et péter le sapin. Et péter le sapin. Et péter le sapin. Et péter le sapin. Voilà. Encore? Comment ça encore? Encore? Comment ça encore? Encore? Comment ça encore? Encore? Comment ça encore? Encore? Comment ça encore? On dit Final Fantasy. On dit Final Fantasy au passage. On dit Serial Killer au passage. On dit Final Fantasy au passage. On dit Final Fantasy au passage. Comme ça, c'est beau, c'est dégueulasse. On dit Final Fantasy au passage. Final. Oh, attends. On dit Final Fantasy au passage. Et on dit Final Fantasy au passage. Et on dit Final Fantasy au passage. Et on dit Final Fantasy au passage. J'ai fait 10 000 possibilités. J'espère que ça sera suffisant. Et pour le sapin? Et pour le sapin? Et pour le sapin? Trente sapins? 30 sapins. On sent l'envie. 30 sapins. Comme ça, c'est bien. 30 sapins. Trente sapins. 30 sapins. Nous aussi, on a le droit d'en faire. Bah voilà. 30 sapins? Mais pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase? Nous aussi on a le droit de s'en faire. Nous aussi on le droit. Nous aussi on a le droit de s'en faire un du coup? Nous aussi on a le droit de s'en faire un du coup? Nous aussi on a le droit de s'en faire un du coup? 30 sapins. Nous aussi on a le droit de s'en faire un du coup? J'espère qu'on sent bien l'envie. Est-ce que nous aussi on a le droit de s'en faire un du coup? Se faire quoi? Je ne sais pas. Un sapin, je sais. Avec plaisir, mon grand. Avec plaisir, mon grand. Avec plaisir, mon grand. Ouais, j'ai confiance en toi. Vas-y, Johnny. Go. Avec plaisir, mon grand. Alors, je vais crier. Je vais me mettre un peu plus loin. À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Ouais! À l'attaque! J'espère que j'ai pas. Je le verrai après. Et la terre éclata. Il me semble que c'était tout. Attends. Yo! Je fais ça en plus comme ça. Bon, bah voilà. Et du coup, vous avez le temps d'ici décembre d'apprendre des choses sur Pokémon, j'espère. Hein. Bon, bref, je m'en fiche. Allez, tu me diras s'il faut refaire des choses. Si... Et puis voilà, je te l'envoie dès que j'ai fini, dès que j'ai coupé cet enregistrement.